La sagesse d'un homme fait sa force, ses connaissances augmentent son pouvoir. Proverbe 16, verset 6. Si vos pirouettes le fondent du pouvoir. Robert Stone. Le grand couturier. De Londres. Un Christmas et alors voilà bien moi en quoi comme en quoi. Yahweh, c'est le cas. Mon animal en sali. Nous sommes le bel. On a mérité tout mon envoyé. On souci la poignée sala et son livre de la mal. Un Joël me donne solo domina comme ce soir. Planète des amoureux. Je pleurais, je raisonnais toujours. Elle, c'est ça la vie. Je pleurais, je raisonnais toujours. Patience, c'est ça la vie. Ma combo, kamosi, kaloboko, balanalita. Mon souci est si la kate. Ma combo, kamosi, kaloboko, balanalita. Mon souci est si la kate. Mamara, si j'adore. Docteur Panza Foulou. Y'aura pas j'y vais. Arnaud Maïla. Ce qui a eu qui m'a non pas dit. Y'aura pas monité. Y'aura pas la tête. Y'aura pas la tête. Y'aura pas la tête. Serge Maïla. Y'aura pas papa yoye. Voilà l'équipe de rêve. Solange, camarade, 12 balles, Bassim Bamboka. Il y a bien ça la musique, il y a bien ça, Balou, qu'est-ce que tu as fait pour ma s'il vous plaît. Bien, juste les matangas. Maman, je vais. Maleka. On dit Firmin Gondin. On dit Feriole. C'est la révélation.